this is the way the world ends. This is the way the world ends. This is the way the world ends.

Oh. We'll be right back. mais juste avant le concert, monter sur scène tout l'évite avec un banjo. Même si je troque mes ranjos, porter mes fistos, je kifferai toujours une guitare disco slam. Jette-moi dans les flammes, je resterai rock'n'roll dans l'âme jusqu'à ce que je glace. J'ai brûlé mes verrues, mais jamais je brûlerai mes vieux albums des Bérus. Fils, j'en suis trop féru, plus que j'en ferai. Je préfère le rock féreux de Pantera à Adère à la philo. Sorti de l'ivrogne notoire qui souvent utilisa le trottoir comme dortoir. Mon ossature sature toutes ces bitures, laisse les points de suture. Si je continue, ce sera le futur. J'ai en masse, arrête de le foncer. Dis-je les mecs alors que je suis en train de vider mon pipe dans le bidet. Ils comprennent rien à l'anarchie. Mec, tu veux un groupe rebelle? Ouais, je le suis archi, on dirait que t'es pas en duplex. Mais t'es complexe. Le son claque dans tes dents, serré comme les rangs d'une triplex. J'm'en fous, j'saute comme Donkey Kong. Je ne vivrai jamais comme quiconque, car j'ai réveillé le monde. Je peux réveiller le monde qui est en moi, faire péter le stupide, stupide, bon, bon. Je peux réveiller le monde qui est en moi, réveiller le cœur qu'on paye ton con, fais péter le monde. Je peux réveiller le monde qui est en moi, faire péter le stupide, stupide, bon, bon. Je peux réveiller le monde qui est en moi, faire péter. Paye ton con, fais péter le pont. J'ai fait la crasse matinée, reste dans mes odeurs. J'en pèse mauvais odé de la veille, quelle horreur. Le punk se réveille, éclate son réveil. Sur le téléphone qui sonne, je m'assomme, réveille le punk qui sommeille. Je bondis de mon sommier, me rince le gosier. Baume la bière que j'achetais, ne servait qu'à me coiffer. Crise d'adolescence, punk naissant. Sans plan de famille délaissant, je suis bête et méchant. En radin marbotant, barbotant dans mon sang après un pogo. Je suis le vilain, sauvage, pas beau, pire qu'un lobo. Voilà mon logo, fallait pas me laisser dans la boue. Chili, j'ai tout bégo. Quoi de neuf top, gros coup de top, coquille dans mon hip hop tronqué. Contre du rock, sors ton perfecto défroqué. Tu seras ok pour ne pas terminer comme la femme des Sex Pistols dans le frigo tout découpé. Couplé à ma bière comme si c'était mon frère. Je suis fier, y'a qu'elle qui me nourrit, j't'épingle la nourrice. J'ai bu comme Ludwig 88-6. Double zéro de conduite 6, suicidal tendance. Mon single de cinglé, le tube de l'éther. Plus antisocial que Trust, je pue comme le minster. Les baves lancent le pavé dans la manifestation. Pendant l'autodestruction, j'ai perdu ma génération. Des bouts jusqu'au bout tang, je vais te faire fuir. Je représente ceux qui utilisent leur cervelle à la détruire. Je peux réveiller le monde qui est en moi, faire péter le stupide, stupide, bon, bon. Je peux réveiller le monde qui est en moi, réveiller le cœur qu'on paye ton con, fais péter le bon. Je peux réveiller le monde qui est en moi, faire péter le stupide, stupide, bon. Envoie faire péter le queue qu'on paye ton compte, fais péter le pont. We'll push you to the limit like a tourniquet, crushing your cranium, mushing you, murder you, burning you to a crisp. Uranium. Maintaining chains like Iranians, hoping for new pain, blazing your skin, stomping on the whole parade of town. Put a gym scar to the flesh bar, the emperor of demented sentences with a temple, your mentor. Demonic like Skeletor, death row, decept, criminal corruption cult, which will beat you to death. Keep your head up or you get your head cut off. Your whole life shut off with a knife, wipe the blood off. My perspective is respect, there's a respect to be left with a neck full of stitched up imperfections. Cause you bitched up in retrospective, your collective would've switched up if you knew what a bunch of sick fucks we are when we get hacked at. Too late, drama, we all up in it, go all out, push it to the limit. Push it to the limit, walk along the razor's edge. Don't look down, just keep your head up till you finish. Open up the limit, past the point of no return. Reach the top, but you gotta learn how to keep it. Push it to the limit, walk along the razor's edge. Don't look down, just keep your head up till you finish. Open up the limit, past the point of no return. Reach the top, but you gotta learn how to keep it. Attack you like an evil gargoyle with swords. Burn you like radiation, leave you a charbroiled corpse. We represent every satanic element, I'm malevolent. Murder you, you're getting sent to where the devil went. If I'm wrong, you could be dead right. When you pass, you'll be forgotten cause I'm rotten like the website. We get ogre-ish, poisonous, like a cobra's kiss. Demonic like when the last day in October hits. You're miserable living, trapped in your bed. You should be clapping your head cause you'll be happier dead. You little pussies, you choke to death with a Kotex. You're dying little by little, every second go check your Rolex. You're not living forever, I'll bet you. How much you wanna put up for the right price, somebody will dead you. No cushion for lyrics, mushing you if you're timid. Extreme rap, explicit, we push it to the limit. Push it to the limit, walk along the razor's edge. Don't look down, just keep your head up till you finish. Open up the limit, past the point of no return. Reach the top, but you gotta learn how to keep it. Push it to the limit, walk along the razor's edge. Don't look down, just keep your head up till you finish. Open up the limit, past the point of no return. Reach the top, but you gotta learn how to keep it. You tremble from the brutality, make make you resemble a George A. Romero character in reality. Bring your big posse, you'll be a bunch of fertilized faggots like Versace and Liberace. Get killed in a building, smashing you like Zildjian cymbals, fucking you like Brazilian children. Write your will out to your attorney. After a weekend at Bernie's, you'll be deceased, dead on a gurney. It's a trip, can't think about food with bullets buried in your belly. But notice bloody flesh looks like blueberry jelly. You're repulsively corrosive, your mother taught you not to get involved with explosives. Skull open like Iron Maiden Eddie, kaput finish. Wanted excitement, you died for it, you pushed it to the limit. Push it to the limit, walk along the razor's edge. Don't look down, just keep your head up till you're finished. Open up the limit, past the point of no return. Reach the top, but you gotta learn how to keep it. Push it to the limit, walk along the razor's edge. Don't look down, just keep your head up till you're finished. Open up the limit, past the point of no return. Reach the top, but you gotta learn how to keep it. This is rock and roll. This is rock and roll. zapper les bombes. Si vous allez vous dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Sans domicile fixe, qui eux ont choisi. Nous n'avons pas de misère en France. Thank you. Bon. J'espère que vous avez apprécié. Mauricien a apprécié. Mix très éclectique de monsieur LM45. Dont je me rappelle un site sur internet de vente de vinyle. Donc je conseille à tout le monde d'y aller, aussi bien du neuf que de l'occasion. Gabber, hardcore. Voilà, vous pouvez lui demander des conseils. Speedcore, il y a ses productions, il y a. Voilà. Et je tiens à le souligner, voilà, il n'y a jamais de soucis. Bon, il est un peu débordé des fois, mais il arrive toujours à s'en sortir sur les commandes. Voilà. Donc bah ouais, faites tourner son site, je le répète, c'est lm45-record-shop.com. Voilà. Bon, alors maintenant ça va être à la chronique de monsieur Arioc en direct, qui va nous faire une petite sélection de morceaux. Voilà. Ouais, il y a Grève, il a la grippe A, les gars. Et si quelqu'un veut la grippe A, faut aller chez Grève, il paraît. Non, mais c'est des conneries. De toute façon, voilà. Allez chez Grève, il y a la grippe A.